بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع أمور الزواج، ونحن في موضوع الخطبة. فكما أن الشرع حتى على الخطبة والنظر للمخطوبة في حدود ما حده الله سبحانه وتعالى ورسوله، كذلك جاءت النصوص تنهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لأن هذا فيه إثارة الفتنة وإثارة البغضاء بين الناس والإفساد بين الناس، خاصة إذا علم الأخ أن فلانة خطبها فلان. فلا بد للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فالخطبة إخوة الإسلام هذا أمر مشروع، والنظر إلى الخطيبة في حدود الشرع هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز الإنسان يخطب على خطبة أخيه. كذلك هذه الأمور ديال النظر فهذه تخص بمن يلتزم بأوامر الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الفساق فهم ينظر بعضهم إلى بعض، فهو تغسل في عينيه وتغسل في عينيه. ولكن من يخاف الله سبحانه وتعالى ويقيم حدوده، هذا يبحث عن ذات الدين وذات الخلق مثله، فحتى النظرة الشرعية تكون فيما حد له الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخيرنا الله عز وجل أن continue à parler du sujet du mariage et nous chantons le sujet des fiançailles, le fait de demander la fille en mariage, ce que vous appelez les fiançailles. Et si la législation a autorisé, a incité et a orienté vers le fait de demander la fille en mariage et aussi de regarder celle avec laquelle on veut se marier, celle qu'on veut demander au mariage, mais la regarder dans la limite de la législation. Regardez d'elle ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé, ce qu'a autorisé Rasulullah alayhi wa sallam. Bien sûr, ces textes concernent ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quant aux pervers, quant aux exhibitionnistes, que ce soit les filles ou les garçons, hadou, ils s'usutent les uns les autres, ils se rincent les yeux les uns les autres. Donc hadou, mais celui qui est d'une religion et qui préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la fille qui préserve, ils doivent se limiter à ce que la législation leur a limité. Ils doivent s'arrêter là où la législation les arrête, là où la sunna du prophète leur a demandé de s'arrêter. Et comme il est demandé d'aller voir la mariée, etc., dans la limite de la législation, il n'est pas demandé non plus, il est interdit aussi le fait d'aller demander une fille au mariage en sachant qu'un frère l'a demandé déjà. Mais si la personne ne le sait pas, il n'y a pas de mal. Mais si la personne il sait que telle personne est allée demander une fille au mariage, il n'a pas à aller faire une demande sur la demande de son frère. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a interdit dans les hadiths qui sont passés avec nous hier soir. Fa yaqul al-imam al-hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi al-fath anna an-nahy an khutbat al-akh ala khutbati akhihi هذا للتحريم. يقول بأن الجمهور على هذا النهي، على أن هذا النهي للتحريم، أي حرام على الإنسان أن يخطب تلك التي خطب أخاه حتى يتركها ويتزوج بها، أو هو يتركها، أو هو لا يقبل من هذه العائلة. إيه Hafid ibn Hajar, rahmatullah alayh, dans l'interprétation de Al-Bukhari, il dit cette interdiction qu'il y a dans les textes qui interdisent le fait de demander une fille au mariage après la demande de son frère, hein, et que le hadith dit jusqu'à ce que tu demandes, pas jusqu'à ce que ton frère ait laissé cette affaire, ou là il s'est marié avec elle, donc dans ces cas-là tu ne demandes pas. Hein? Il dit, cette interdiction qu'il y a ici, cet ordre, c'est pour l'interdiction. Tu n'as pas le droit d'aller demander une fille que ton frère, tu sais que ton frère l'a demandé, tu n'as pas le droit. Jusqu'à ce que lui se marie avec elle, là, jusqu'à ce qu'il laisse. Hein? Si jamais ça se fait, et que la fille accepte à se marier avec le deuxième, il est évident que les hommes de science disent que l'acte de mariage n'est pas nul. Mais, il y a le fait qu'il a transgressé, hein? Et qu'il a transgressé un désordre de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Waïda, matalan, rajulun khataba mra. Waja akhar fa khataba amina. Fa qabilat tani. Yak? Fa aqada alayha. Fa l'aqd. يقول أهل العلم صحيح ولكن الرجل كان وقع في خطأ وقع في خطأ فهذا في قضية الخطبة فما بالكم بمن يفسد الزوجات على أزواجهن شكو أما بالك دابا دابا إذا كانت قضية الخطبة من هين عليها ما بالك بهذو اللي تيخسروا العيالات على رجالتهم ها الأمر أشد maintenant si si il nous y a interdit ainsi de demander une sœur en mariage alors qu'un frère l'a demandé, qu'est-ce qu'il en est de ceux qui pourrissent les femmes des autres et qui détournent les femmes des autres? L'interdiction est encore pire. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكة فليس منا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ يقول هذا الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال ليس على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو مخالف لطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الذي يخالف طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام على خطر عظيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهذا الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا ماشي على طريق ديالنا ذاك اللي تيحلف بالأمانة وذاك اللي تيخسر المرأة على رجلها ها والتي خسر الخدام على مولاه فهذا ليس على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذه أمور صعبة ها يجي الإنسان بدأت تخسر على مرت الآخر وبدأت يمدح حتى يخسرها عليه ها فهنا الله عز وجل اللي غابورتش الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بريدة رضوان الله عليهم أجمعين Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'est pas sur la même voie que nous, celui qui jure, qui fait le serment avec le dépôt, avec l'amana. Ou celui qui, hein, rend mauvaise la femme pour quelqu'un. C'est-à-dire, il flatte cette femme chaque fois qu'il la rencontre, jusqu'à ce que cette femme se détourne de son mari. Hein? Ou aussi, il n'est pas sur la même voie que nous, celui qui détourne un serviteur de quelqu'un. Quelqu'un qui travaille chez quelqu'un qui le détourne. Ça ne fait pas partie de la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceci est très dangereux, ne pas être en divergence avec la voie de Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est un énorme danger. Il est dit dans le verset qu'il fasse très attention à ceux qui sont en divergence avec un désordre de Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il ne leur arrive pas la fitna ou le châtiment. La situation est énorme. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن حكم إفساد المرأة عن زوجها هذا ابن القيم يقول في قضية الرجل تفسد المرأة على رجلها هذا من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهى أن يخطب على خطبة أخيه فكيف بمن يفسد امرأته أو أمته أو عبده ويسعى في التفريق بينهما حتى يتصل بها وفي ذلك من الإثم لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يزد عليها ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة فإن التوبة وإن أسقطت حق الله فحق العباد باق فحق العبد باق فإن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على فراشه أعظم من أخذ ماله، بل لا يعدل عنده إلا سفك دمه. قضية باش شي إنسان يتجرأ ويفسد المرأة ديال شي واحد على رجلها، هذه كبيرة من الكبائر. إذا كان الله سبحانه وتعالى منع باش تخطب على الخطبة ديال خوك، اشكو خوك خطب شي مرأة، إذا كان منع فكيفاش تفسد عليه المرأة ديالو ولا تفسد عليه الخدام ديالو؟ كيفاش تفسد عليه وتسعى باش يتفرقوا باش انت تقبضها ولا تعيش معها في السفاح ولا في زينة؟ فهذا إثم، ما تيبقاش فقط في قضية إثم ديال الزينة، تيزيد عليه، زايد على إثم ديال الزينة. وهذا إلا سقطت قضية الزينة بالإنسان فالتوبة تسقط فقط حق الله، ولكن حق هذا الإنسان اللي فسدت عليه مرته ما تسقط عليك بالتوبة، لأن ظلم هذا الإنسان وتخسر عليه المرأة دياله وتخسر عليه الحلال دياله وتجني على الفراش دياله، فهذا أكثر ما تأخذ ليه المال دياله، ها، وما تيعدلوه إلا قتلته، هذا هو اللي تتقدمه، ولكن تأخذ ليه مال دياله أقل ما تسد عليه المرأة دياله، تسد عليه المرأة دياله هذا أكثر العواقب اللي فيها وكذا. لأن الله عز وجل ابن القيم رحمة الله عليه إلى le rapportant de Minna et dans le fait de Qadir, rahimahumullah ta'ala, il dit que le fait de rendre mauvaise une femme d'un homme, ceci fait partie des péchés capitaux. Il dit, si la législation nous a interdit de demander une femme au mariage alors que cette femme a été demandée par quelqu'un d'autre, s'il l'a interdit, qu'est-ce qu'il en est quand on rend mauvaise la femme de quelqu'un ou son serviteur et qu'on court vers le fait de les séparer et pour tomber dans le haram avec elle. Hein? Parce que ça dépasse le fait de tomber dans un péché avec, dans l'adultère. Ça le dépasse. Et si l'adultère peut être expié avec le repentir, il reste le droit de cet homme. Il ne s'expie pas avec le droit d'Allah. Hein? Il s'expie avec le repentir. Mais le droit du serviteur, il reste là. Hein? Il est là. Et le fait de commettre une injustice sur quelqu'un et de pourrir sa femme, et c'est légitime, c'est beaucoup plus grave que le fait de lui prendre son argent, de lui prendre sa fortune. C'est moins grave que le fait de pourrir sa femme. Hein? Et cela n'a d'équivalent que le fait de le tuer. فانظر الآن أنت ما يجري من معاكسات عبر هذا الاسماس وعبر انترموت وعبر غرف البالتوك وعبر كم من امرأة افسدت على زوجها بالكلام المسؤول، هي تتخنش في الكلام، الآخر من جهة أخرى يتخنش في الكلام فيصدق في الزنا، حتى وصل مرة أن شاب دخل باسم بنت إلى الانترنت فاتصل فكان يتحدث لمدة مع شابة، فوصلوا أن قال هي في ضواحي بارز وهو في مدينة ليل، أن اتفقوا على أن يلتقوا، هي خرجت من بيتها من بارز بدون محرم، ها، على أن من ستلتقي به هي فتاة، فإذا تلتقي بشاب في محطة ليل، أنا الذي كنت أكلمك، فما كان إلا أن قضوا الليل في فندق في مدينة ليل، وبعدها أعطى عنوانها لأخ آخر، فكان ما كان كذلك. فوجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى من إفساد النساء على أزواجهن، ومن إفساد بنات المسلمين، ومن تغرير بنات المسلمين. على الأخوات أن يتقين الله وأن لا يتخلجن وأن لا يخضعن بالقول، وعلى الشباب كذلك والرجال أن يتقوا الله في أنفسهم وفي بنات المسلمين. فهذا خطر عظيم. يقول الله عز وجل وقاعد ما ننسك ياكم تشاتش أتخافير لإسماس اللي انفوا دي إسماس اكسترا انتخو الفي لغارسون يفوى مم دي فام مريي avec d'autres qui garçons mariés ou non mariés, et des fois aussi la chat qui est entre eux sur Internet ou là, sur les discussions qu'ils ont entre eux sur Paltok, les messages qu'ils s'envoient, des fois tu as la sueur froide quand tu crois que tu vois ce qu'ils écrivent. À tel point, il t'est arrivé des histoires énormes. Un garçon a trahi une fille. Le garçon, il est de l'île. En plus, il s'énergueille. Il le raconte à d'autres. Il est rentré avec le pseudo d'une femme. Et il a commencé à parler avec la fille. La fille lui raconte ses misères, et cada, et cada, et ouais, vas-y, les paroles mielleuses, etc. Après, ils se sont donné rendez-vous. La fille habite dans la région parisienne. Il a pris le train sans haram. Il est arrivé à Lille. Soit disant qu'il va rencontrer une fille. Il a rencontré un garçon. Un musulman qui est pris. Hein? Et après, bon, bah, c'est tout, bah, je suis là. Ça s'est terminé à l'hôtel. Et après, ça ne s'est pas arrêté là. C'est que, il a donné son numéro à un autre copain à lui. Et il se le raconte à la sortie de mosquée. Tu vois un peu jusqu'où ça va quand on ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, quand on ne préserve pas les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour les garçons de préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour les filles de se préserver aussi. Et qu'on ne pourrisse pas les femmes des autres. Hein? Et qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il en va des honneurs, de l'honneur, d'une famille, etc. Et qu'on fasse très attention. Toi, tu es ton chétan, il te pousse, tu lui diras un truc, tu dis personne ne me voit. Juste l'écran devant moi. Allah, il te voit. Et là, ce que tu es en train de faire, tu ne sais pas là, qui est derrière là-bas. Est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, etc. Et s'il est rentré avec toi, à discuter avec toi, tu crois qu'il dit la vérité? Tu n'es pas sûr qu'il dise la vérité. Et toi aussi. Du moment que tu veux assouvir ton désir, etc., t'arriver à quelque chose, tu dis la vérité. C'est pas évident. Hein? Donc nous devons préserver le droit de Allah. Et préserver les honneurs des familles musulmanes et des filles musulmanes. Et qu'on n'abuse pas. وشئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك؟ هذا المرأة تنطلق وبقي بالعدة ديالها وخطبها واحد آخر تنفق عليها هل يجوز ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة. أما مش يصرح لها باش بأنك غادي تجوج بها، يعني يقدر يكون الألفة بيناتهم وترجع الرجل ديالها وهي باقي في العدة، أجي تمشي تخسرها. لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين، ولو مات لها الرجل وباقي في العدة ما تمشيش تخطبها. فكيف إذا كانت في عدة طلاق؟ كيف كانت إذا في عدة طلاق وطلاق رجعي ممكن الرجل ديالها يرضى؟ ممكن مع أولادها ترجع لرجلها ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك واللي فعلها كوك خص العقوبة يعاقب ولي الأمر باش يتردع فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا أي ذاك اللي خطب وذاك اللي تخطبت بجوجهم يتعاقبوا ويزجروا عن التزويج وفرق بيناتهم يتزوجوا معاقبة له بنقيض قصده والله أعلم. قال ابن تيمية خاصو يتعاقب بالضد داكشي علاش كان تيبحث زجرا له لأن هذا فيه إفساد. إذا كانت المرأة باقية في العدة اللي يقدر يرضى راجلها فكيفاش تفسد عليه وتغرر بها وهي عندها جوج لولاد ولا عندها ثلاثة ولا كذا كيفاش تغرر بها وتن. لعلها ترجع للزوج ديالها وتكون الحياة بيناتهم ها وعاود تكون فكرت شوية في هذيك الشهرين ها قبل ما تكمل العدة ديالها ولا كذا فكيفاش جيت في ذلك بشوف دابا الأئمة كي يتكلموا ف فخون الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه on lui a posé la question sur une femme qui est séparée avec son mari. C'est-à-dire en état de divorce, il est divorcé, mais seulement la période de sa iddah n'est pas terminée. Sa iddah n'est pas terminée. Et cet homme qu'il a demandé en mariage, il dépense pour elle. Il lui donne la nafaqa, etc. Est-ce que ceci est permis ou non? Cheikh l'Islam, le Thémé, dit, louange à Allah, il n'est pas permis d'aller demander et déclarer la khutbah d'une femme, même s'il est dans une idda après la mort de son mari, jusqu'à ce que sa idda soit terminée. Et il dit, qu'est-ce qu'il en est de celle qui est divorcée? Parce que celle qui est divorcée, dans un divorce dans lequel son mari peut la récupérer, peut-être qu'avant la idda, la femme va réfléchir, l'homme va réfléchir, peut-être qu'ils vont revenir et leur situation va être mieux. Et maintenant, si toi tu viens de l'extérieur et tu viens avec des paroles mielleuses et tu miroites à la femme des choses qui n'en sont pas, hein, tu es en train de la pourrir. Donc peut-être qu'avec deux enfants, là un enfant qu'il a avec l'autre, peut-être c'est, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il revient avec son mari, la situation va devenir mieux. Et il dit, celui qui agit ainsi, il mérite le châtiment. Il faut une punition pour lui faire comprendre et pour l'arrêter de cet acte qu'il a fait. Et il dit, et ceux qui doivent être châtiés, c'est la fiancée et le fiancé, celui, celle, la femme et l'homme. Tous les deux doivent être châtiés. Et en plus de ça, on l'éloigne de cette femme pour qu'ils subissent le contraire de ce qu'ils voulaient. فانظر الآن البعض في وقت العدة ديالها تبقى تتغزل معها وتغزلها وتغررها عبر شبكة انترموت ولا عبر الهاتف ولا في الطريق ولا كذا فحتى إذا كانت شيء يمكن الوفاق بيناتهم تخسرها عليه ها لأن الله عز وجل وقال ما نتنوس كي سباس que ce soit à travers Intermout ou autre, la femme ou la jeune fille est encore sous la idda et qui peut revenir à son mari. Et Hada, il l'a pourri avec des éloges, avec des paroles. Sauf que ces paroles-là, il ne les entendait pas de son mari. Et il l'a pourri. Et peut-être qu'agissant ainsi, cette fille ne reviendra pas à ce mari. Enfin, nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, كذلك من الأمور التي لا تجوز أثناء الخطبة ومر معنا شيء من الكلام فيها الكلام عبر الهاتف ولو خطبتها بعد الخطبة ما دام ما في عقد ويقول بعض أهل العلم إلا إذا كان للحاجة وبالمعروف ولا تخضع المرأة بالقول وإذا أمنت الفتنة وإن لم تأمن الفتنة فإذا كان لتهيئ أمور الزواج وكذا فليفعل معها ولي أمرها ربنا يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قوما معروفا فكيف هؤلاء أمهات المؤمنين ها وصلهم هذا الأمر كيف بنسائنا الآن ها On a Allah Azza wa Jalla aussi, il y a des erreurs qui sont commises pendant la période des fiançailles. Le frère a été demandé la fille, et il commence à prendre de la largesse et de la liberté, à parler avec la fille au téléphone, etc. Et des fois même, des paroles du domaine du flirt. Et ça peut amener très loin des fois. Surtout dans une société pareille, dans une société de libertinage et de liberté de la femme. Et les hommes de science, comme nous avons vu avec la fatwa du Cheikh Farkous hier, Havidallah, que il n'est pas permis de parler avec elle, sauf pour quelque chose, pour une extrême nécessité, soit et même si c'est pour régler les problèmes du mariage, il est les trucs du mariage, il dit si ça doit être fait, il vaut mieux le faire avec le tuteur légal de la fille. Et si La fille le fait avec le garçon le fait. Il faut que ce soit que les paroles de la fille ne soient pas, qu'il n'embellisse pas sa voix, qu'il ne montre pas, hein, cette façon de parler qui attire, qui éveille la tentation du garçon, etc. Parce qu'il est dit aux mères des croyantes, hein, فلا تخضعنا, ne vous soumettez pas avec la parole, c'est-à-dire, soyez, hein, que vos paroles soient correctes, et n'embellissez pas la voix, etc., que ce soit bref. Et vous parlez que dans le bien. Parce que si vous montrez une certaine, que si les paroles sont d'un style de tentation, etc., celui qui a des maladies dans le cœur, il va tomber. Hein? Qu'est-ce qu'il en est de nous maintenant dans cette société de libertinage? Encore, plus il faut couper, il faut préserver le droit de l'Allah, et tout ce que tu dois le faire avec le tuteur de la fille. Pour régler les problèmes. Sinon, si c'est des trucs qui concernent la femme, tu peux voir avec ta soeur, avec ta mère, et comme ça, tu évites, tu te protèges. Quel dernier cas, hein? هذا يخرج يخطب فيأتي فيخرج بالخطيبة بدون عقد ما عقد عليه ويجلس معها بمفرده ويخلو بها وناهيك عن ما يتسبب بذلك اختبأ أصلا النبي تولي داخل خارج الدار خارج معها مشاو يتقدى وقال لك فين اش من حق عندك شكون اللي عطاك هذا الحق وهذا احنا في المجتمع ديالنا المغربي والجزائري والتونسي يا لطيف هذه راه مصيبة وهذا خطر فما افضى الى حرام فهو حرام إن هذا شكون اللي قال لك انت غادي امن في الطريق ها وطلي ابليس ها ولا كذا ولا الغابة ولا لابلاج ولا صلعن به ها ولعله صلعن به هو كاع ملي طلع كوك صافي ما باغا يهرب وخليها تما انا غادي جاي في عقله تاو يلعب به الشيطان الا تسالت معايا انا فاتكون تتسال مع كل شيء ها الانسان ما يامن المكر ديال الشيطان كيفاش نتلاعبوا بالشرع ديال الله سبحانه وتعالى لا الدراري ولا البنات ولا الاباء ولا الامهات ينطلقوا لها كل الامور هكا فهذا شرع الله وهذا دين الله من الله عز وجل aussi ces autorisations que nous prenons fait que du moment que la personne a demandé la fille au mariage, il rentre à la maison comme il veut, il reste avec la fille devant la télé, il discute avec elle, il n'y a pas de père, il n'y a pas de muharam, des fois ils sont tous les deux à la maison, des fois il sort avec elle pour faire des courses, pour faire se balader, etc. Il est son fiancé. Et ça, après, c'est une négligence. Et ça, ça peut amener un grand dégât. Et ça peut ramener vers le mal. Et tout ce qui amène vers le mal, qui est une voie vers le mal, est un mal en soi. Tant qu'il n'y a pas d'acte, il ne peut pas sortir avec elle, il ne peut pas rester en face avec elle. Hein? Et nous, les Maghrébins, en général, on a ce laxisme. Du moment qu'il a demandé au mariage, ça y est, qui te donne la sécurité que cette fille va se protéger et que lui, il va protéger la fille s'il sort avec elle. Et après, un hôtel est blessé, et vas-y, on est dans ce genre de pays, on ne demande pas l'acte de mariage à un garçon et une fille quand ils rentrent dans un hôtel. Hein? Et après, si la fille a été négligente, il s'est laissé faire. Peut-être que ce garçon, Shaitan, il vient, puisqu'il s'est laissé faire avec toi, peut-être qu'il fait la même chose pour les autres, il va faire avec les mêmes autres. Il va les laisser tomber. Et qui est le fautif? C'est nous qui n'avons pas préservé les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, on paye cher. Hein? Wa laqad su'ila. العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته ما رأي الدين في العلاقات ما بعد ما قبل الزواج هذا إمام نائمة هذا العصر رحمة الله عليه العلاقة اللي قبل من الزواج هذا ما الشباب ديالنا قال لي خاصنا نتعرفوا حسوا يكون الحب بيناتنا ونعرفها وتعرفني هذا الشيخ قبل ما يتزوج إيوا إوا أنت تعرفتي معاها دروكا ما عجبتيهاش ما عجباتك قعدتو عام ولا عامين ولا ست شهور أنتما خارج داخل جا لاخر تعرف معاها جا لاخر تعرف معاها فين واصلين حنا دروكا ها فين غاديين سيبا هذيك الحرمات. فهم الله عز وجل. Voici une question qui a été posée à son éminence Cheikh Mohamed Salah Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. Et c'est quoi l'opinion de la religion dans la relation avant le mariage, hein? Parce que maintenant, dans les sociétés maintenant, il faut que je la connaisse, il faut qu'il me connaisse, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Et ouais, si toi tu la connais pendant 6 mois, tu sors avec elle, tu rentres avec elle, tu te retrouves avec elle, balade, hein, le tour de la balade des Anglais, Bazinta, la plage, etc. Au bout de 6 mois, tu en as marre. L'autre il vient, 7 mois, 8 mois. Eh ben on va où? C'est quoi cette fitna? Hein? C'est quoi ce jeu avec les honneurs des familles et les honneurs des filles? Hein? On veut quoi de cette société? On veut ressembler à qui? Ça, c'est les actes des mécréants. On n'a pas à leur ressembler. هذا تشبه بالكفار وإحنا ليس لنا أن نتشبه. وخليني تقول مع راسك العصر هذا جديد وكذا. ربي ولادك تقوم بالله عليك. خليك العصر العصر اللي تعيشه الناس اللي بالها لك دياله يدبر راسه. ولكن أنت مسؤول على نفسك، مسؤول على أولادك وعلى بنتك، خاصك تقوم بالمسؤولية ديالتك. ما يغرك الشيطان الناس كلهم تيديروا. أنا نخشي راسي بين الرؤوس ونقول أقطع الريوس كيف الناس. لا يا اخي الاسلام، انت موحد، تسلمت الامر ديالك لله سبحانه وتعالى، ما عندك الحق تقول بحال هذاك الكلام. نخشى راسي بين الريوس والصلاه واللي كانت تكون ها لا. فهم الله عز وجل. maintenant les gens on est dans une époque etc. ceci est monnaie courante, ceci ce sont les coutumes maintenant et le temps a changé. لا يا اخي الاسلام، tu es soumis à Allah. tu dois te préserver ceux qui sont sous ta tutelle, remplir ta responsabilité vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ta famille, éduquer tes enfants, tes amis, et laisse les autres. Si les autres, ils sont pourris, tu ne vas pas être pourri aussi. Tu seras tout seul devant ta tombe. Tu seras tout seul à répondre pour tes actes. Hein? Donc, il ne faut pas se laisser avoir par Shaitan. On est certains, ils disent, ils ont cette parole au Maghreb. Hein? On met notre tête entre les têtes et on dit à celui qui coupe les têtes, et puis c'est tout. Si la tête se coupe avec les autres, c'est tout. Il dit qu'il y a un ras avec les gens. Ils disent le fait de que sa tête soit coupée avec les gens, avec la société, c'est un pique-nique. Quel pique-nique? Que ça se fait dans le haram. Tu trompes dans le haram comme les autres. Quel pique-nique est-ce? فأجاب الشيخ العلامة رحمه الله تعالى قول السائل قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول بعد العقد فلا حرج لأنها بالعقد تكون زوجته وإن لم تحصل مراسم الدخول وإما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل فإنه محرم ولا يجوز فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه لا بكلام ولا نظر ولا بخلوة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الشيخ العثيمين جاوب يقول كان هذه المرأة اللي تتسول على هذه العلاقة قبل الزواج إلا كان طيح العقد وبقي ما دخل بها ما كاين مشكل لأن العقد محلل كل شيء. ولكن إلا كان باقي العقد ما طاح هو يلاه جا خطب فهذا حرام، فما يجوز ليه يقعد معاها بقيت يتكلم معاها وبقيت يشوف فيها ومتع النظر ديالو فيها، لأن هذا جلوس مع أجنبية. فلا الكلام ولا النظرة ولا يخلو بها يقعد معها بوحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يقعد رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، إلا معها شي واحد خوها عمها باها جدها، شي واحد اللي ما عندوش الحق يتزوج بها. وما تسافر المرأة إلا مع المحرم ديالها. حنا دروكار تقع هي الطوموبيل وصفتهم البنات، هي البنات قابتين الطريق للمغرب ديريكت. قال لك هو عيان بيطلع في الطيارة، والعائلات مشاو بوحدهم في الطريق ايام ديال الطريق سيروا ولا عاود ثاني حاله اخرى تقول لك انا نصيفطها في الطياره باش ما تعيا انا غادي نحطها هنا في المطار في مارساي وغادي تلقاو ليها في طنجه ايوا بين طنجه ومارساي شكون اللي امن عليك الفتنه لا الطياره كاع ما قلعات قلعات وعندها مشكل ونزلات في ايطاليا ايوا وداهم اللوطيل وكاين شي دياب هذا برك عليها العوينات زوينين وانتكاده وانتكاده شنو يدير ها ما تغتر ما تسافر ولا الطياره بوحدها حرام هذا دين الله وما ولا وما خصناش نتعداو الحدود ديال الله راه المشاكل اللي تصيبونا وهذا الشيء كله اللي واقعين فيه مشاكل من دول بسبب اننا ما احترمناش الدين ديال الله سبحانه وتعالى ها لون الله عز وجل الشيخ العثيمين رحمه الله عليه الى غيبوندي الى دي سي لا فام سي لا كيستيون دو سيت فام سي il veut dire que est-ce qu'il peut lui parler avant qu'il ait un acte avec elle après avoir conclu l'acte de mariage, il n'y a pas de problème. Même si le mariage n'a pas lieu, il n'y a pas de problème, il peut lui parler, il peut être tout seul avec elle, etc. Parce que l'acte, il est fait, même s'il n'y a pas eu le mariage. Mais s'il dit si c'est avant l'acte, tout simplement au moment où il a demandé au mariage et l'acte n'est pas encore fait, ben ce n'est pas permis, c'est haram, et ce n'est pas permis. Car il n'est pas permis à un homme de prendre plaisir en regardant une femme, en parlant avec une femme, en restant seul avec une femme, sans haram, avec lequel il n'est pas marié. Hein? Et c'est une femme, même s'il l'a demandé au mariage, c'est une étrangère pour lui, donc il n'a pas à rester avec elle dans une pièce. Il l'a demandé au mariage, mais non. Pas. C'est haram. Pas transgresser les lois de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu n'as pas la sécurité de ton cœur, akhi l'islam. Et la fille non plus. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne doit pas être seul avec une femme sans qu'il y ait quelqu'un qui est son haram, qui est le haram de la femme. C'est-à-dire quelqu'un avec la fille n'a pas le droit de se marier comme son frère, comme son père, comme son oncle, comme son grand-père. Et que la femme ne doit pas voyager toute seule sans mahram. Ah, notre catastrophe où il est. Maintenant, tu vois, les femmes, la femme voyage avec les filles. Il prend la route pour le Maroc. Et le mari, lui, il prend l'avion. Il dit, il est fatigué. Une année de travail, eux, ils n'ont pas travaillé, vas-y. Tu as la sécurité, ce qui va leur arriver sur la route. Hein? La femme n'a pas le droit de voyager sans mahram. Autre chose, maintenant on se donne une autre facilité. L'avion. Ben, je la mets dans l'avion à Marseille et son fils va la récupérer ou son frère va la récupérer à Tanger. Wacha. Qu'est-ce que t'en es qu'il n'y a pas un loup qui est assis à côté d'elle dans l'avion? Qu'est-ce que tu en sais que l'avion, il a des problèmes techniques, il a tiré à Milano, et qu'il doit passer la nuit là-bas. Et que le loup qui était à côté d'elle, il a utilisé tous les mots mielleux pour la faire tomber. Hein? Donc, il ne faut pas se plaindre quand on transgresse les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'on pourrit nos femmes. Les foutifs, c'est nous. Cette bassesse et ce rabaissement dans lequel on est, c'est nous qui transgressons les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il ne faut pas s'étonner, akhi l'islam. Kadhalika min al-umur fi l-khutba, tilbsa al-khatm dial l-khutba. Hada min shi'ar al-kuffar. Wa hada fi min kant fi Europa an-nas mtadina kant yqul باسم الرب والابن والروح القدس والرد عادي لبس عليها فهذا الدبل هذاك الخويط هذاك اللي داير هكا ما تلبسوا ليهاش انت في يوم الخطبه بغيتي تشري ليها خاتم ما تشريش هذاك الدبله هذيك شتي هذيك الدبله كي دايره داك لانو ديال الذهب اللي داير هكاك هذيك الدبله تشبه بالكفار حتى الا كان بغيتي تشري ليها الخاتم شري ليها خاتم ما تيشبه هكاك وما تبسلهاش على قضية الخطبة. الدين قبل من الزواج ولا بعد الزواج ولا كذا ولا جعلوا من هذا اللي شفتيه، ولكن هذاك حتى الرجال ديالنا مبتلين به، تيديروا هذاك الخاتم اللي داير راه ما فيه حتى حاجه غير ضير ياك، وبعد الخطره تيلبسوه ديال الذهب. فالذهب حرام على الرجال، الذهب حرام على الرجال، الا كان حلال العيالات فهو حرام على الرجال. وهذيك الدبله شعار ديال الكفر وشعار ديال الكفار وفيه تشبه بالكفار، فلا يجوز ان نتشبه بهم. فهذا كذلك من الامور اخطاء في قضيه الخطبه. سيد خوان الله عز وجل Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune preuve dans la législation. Ça s'appelle l'anneau de fiançailles. Tu sais, cet anneau en or ou là en argent. Cet anneau, il a rapport avec la chrétienté. Autrefois, quand les mariages se faisaient dans l'église, là, il se met comme ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il lui met dans le doigt. Et c'est une forme bien particulière. Celle que vous connaissez, cet anneau-là, dans lequel il n'y a pas une forme, un triangle, rien du tout, c'est cet anneau-là. Il ne faut pas. Tu veux offrir une bague à la femme, offre-lui. Mais ne joue pas à ce jeu, mets-lui dans le doigt comme Teshpobihom. Là. Même dans les mairies maintenant, tu as compté Ada le vice-maire ou là, le maire, ils disent que vous avez hein, la bague de fiançailles. Ils le demandent. Parce que ça fait partie d'un emblème à eux. Donc il ne faut pas. Tu peux lui offrir une bague, mais il ne faut pas qu'elle ressemble à cette blague-là. Hein? N'importe quelle bague, n'importe quelle forme de bague, tu peux lui offrir. Parmi les choses que tu ramènes pour leur offrir, etc. Soit après le mariage, soit avant, peu importe. Mais pas cette blague-là. Et les hommes aussi, on n'a pas le droit à mettre cette blague, surtout quand il est en or. L'or, il est interdit pour les hommes. L'or est interdit pour les hommes. Hein? والحاصل إخوة الإسلام أنه إذا كان اجتماع الرجل بالمرأة قبل العقد فحرام، وإن كان بعد العقد فلا إشكال فيه. إذا كان اجتمع الولد بالبنت قبل العقد هذا حرام، وخرج معها وقعد معها بوحدها هذا حرام. إذا كان داروا العقد وباقي هما معطلين الزواج وكذا ما فيه حتى اشكال، جا عندهم وقعد معاه في البيت قال ما فيه حتى اشكال. ولكن لابد الانسان يحتاط، لابد للانسان من ان يحتاط. كذلك من الامور التي يجب ان تراعى عدم الكفايه بالعقد الشرعي او العقد العرفي. يقول العلم الآن ما يمكنناش نكتفيه فقط في هذاك العقد الشرعي اللي يديره الإمام ولا كذا أو العقد العرفي، ما يمكنناش نكتفيه به لأن الناس ما بقتش على الثقة اللي كانوا عليها الصحابة والتابعين، فلا بد من العقد المدني. وإلا في الدول الإسلامية الآن لا في المغرب الجزائر تونس كذا كذا، هذا العقد العرفي والعقد الشرعي في قضية القضاء ما تينفعش. فإذا جاب استهزأ بها هذا الولد كذا كيفاش تحقق الحقوق ديالها؟ ها؟ فلا بد الان لا بد اتباع العقد الشرعي بالعقد المدني قبل ما يطرح حتى حاجه باش يحفظوا الحقوق، لان الناس تغير الزمن. ديك الساعه كان يكتفون بماذا؟ كان الرجل تيقول زوجتك بنتي، جيت الناس شهد زوجتك بنتي صلاه النبي. وإلا مات هذاك الانسان ولا طرا شي حاجه تعرفوا بان الاولاد ولاد فلان والولده ديال فلان، وهذه المراه تورث من هذاك الرجل وهذو ولادو، ها، وكانوا تحترموا حقوق الله. ولكن دروكا بالعقد ديالها ويطير لها الحقوق ديالها، يشري محامي من هنا ويشري محامي من هنا، وهذا باش يطير لها حقوقها. وزيد داكشي اللي تعطي للمحامي بعد اكثر من الحق ديالها هي، غير على العناد. ها، فقضية العقد الشرعي هذا مطلوب يكون على السنة كذلك، ولكن قبل ما يغيسوا لا بد من العقد المدني لكي تحفظ الحقوق، لكي يكون عند المرأة أمر لكي يحفظ لها حقوقها أمام القضاء. ها، وسئل الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحة جناته من إخوة في ألمانيا، يقول فيهم من يقولنا اذهبوا بعد العقد الشرعي سيروا ديروا العقد ديال المدني في هذه البلديات الكافرة. فقال لهم احنا حتى في البلدان الإسلامية واش هذا العقد كان على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان. فهذا من باب استحقاق الحقوق، من باب استحقاق الحقوق، لأن الناس ما بقاش تخاف الله. كثير من الناس تضيع الحقوق ديال الناس، كتحال دروك تتعبوا بالأخوات، شحال الشباب جوج طلق جوج طلق جوج طلق، فين غادي؟ هادي دار معاه واحد، هادي دار معاه جوج، هادي ما دار معاه والو، غادي ها. فلا بد الانسان ما يقرا العواقب ها. فان الله عز وجل سي لي دي شوز كيل فو بروندر ان كونسيديراسيون سيغتان زوم دو سيونس الشيخ الفركوس اي دوتر ديز كو اون بو با سو سيفير مانتونون دو لاكت دو لا سنه ou de l'acte qui est connu dans les coutumes de certaines sociétés. Il faut l'acte civil aussi. Parce que l'acte de la législation, l'acte de la sunna ou l'acte de coutume, il n'a aucune valeur juridique devant les tribunaux. Comment préserver les droits de cette fille? Autrefois, dans la société soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, qui suit les lois d'Allah et la sunna de son prophète alayhi wa sallam, un homme rencontrait un garçon, il prenait des témoins, il dit « Je t'ai marié de sa fille. » Les témoins sont là, cela annule. S'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, on sait que Hadi c'est sa femme. Et les enfants, ce sont, ils héritent de cet homme, etc. Et on préserve les droits. Parce que les gens craignaient Allah. Ils suivaient leur messager. Maintenant, même avec l'acte, ouais, il donne des pots de vin à l'avocat pour... Et des fois, les pots de vin qu'il donne à l'avocat, sont plus chers. Les pots de vin lui revient plus cher que les droits de la femme. Hein? Ça, on ne joue pas avec les honneurs des familles. Et il est des frères qu'Allah subhanahu wa ta'ala hein? Les guide. Hada, il se marie avec celle-là, il le divorce, il la laisse. Hada, etc. Ni il préserve la pension alimentaire de celle-là, ni il préserve la... Attends, où est-ce qu'on va? C'est... Le mariage, ce n'est pas un jeu, quoi, de l'islam. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est énorme. Hein? La responsabilité devant Allah est énorme. Hein? Enfin, on doit préserver le droit de Allah à tous les niveaux. وَعُمْدَةُ الَّذِينَ لَا يُجِزُونَ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات مكتملة قريبة من أن تكتمل 7 سنوات، وكانت وعندما دخل بها كانت بنت 9 سنين، دخل فيها في شوال من السنة الأولى للهجرة، ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج معها أو اختلى بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ وهذا اللي تيقولوا واخا درتي العقد الشرعي ما تخرج معها وكذا، لانه ما تعرفش يطرا ها، لا بد من استحقاق الحقوق بهذاك، لان المحكمه الجزائريه ولا المغربيه حتى دروكا الا ما عندك هذا ديال هنا عند العدل الجزائري ولا العدل المغربي في القنصليه ما يدير لكش هذاك ديالك، فلا بد من تهز من هذا باش يعطيك الاخر. فتيقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة فاش وهي بنت يلا كملت 7 سنين وما دخل بها 9 سنين، وبينات هذاك العامين ما عمره خرج معها. تيقول ما أوتل عنه ولا صح عنه أنه خرج معها واختلى بها ولا بقى معها هكا. واش أشنو حسن طريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريق ديالنا؟ فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jalla est la preuve de ceux qui disent maintenant qu'il n'est pas permis de rester seul avec la fille tant que tu n'as pas l'acte civil, alors que tu as fait l'acte de la sunna, etc., ou l'acte qui est connu dans l'urf, leur preuve, c'est le prophète alayhi salatu wasalam avec Aïcha. Aïcha a été donnée au mariage au prophète alayhi salatu wasalam. Il venait de terminer 6-7 ans. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle tout simplement. Il est rentré, il a consommé son mariage avec elle quand il avait 9 ans, une fois la première année, le mois de Shawwal de la première année de l'Hijra, à midi. C'est-à-dire 2 ans. Et jamais il est connu dans l'histoire de la biographie que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec elle avant 9 ans, ou il est resté tout seul avec elle. Et la meilleure des guidées étant quoi? La guidée de Mohammed alayhi wa sallam. Donc on ne joue pas. On ne joue pas avec les honneurs. Ziyada ala hada. Huwa lahu al-haq. An yujami'a wa an yukhla biha. Walakin hadi tsawwara wahd al-musiba. Mathalan iftarid. Kharj ma'aha al-'aqd. Hada al-madani ma tahaqqaq 'ala 3 shuhur. Al-bint hamlat kbar min al-'aqd. Al-madani wala al-'aqd ash-shar'i kan. ملي تجي عند هذاك اللي بغى يكتب لك ديك الازدياد ديال الولد يدير ترق تيشوف التاريخ كيفاش جوجة نهار 19 في شهر 10 وهذا الولد كاع ما كان من عنده 9 شهور يلا هذه 5 شهور ها هو تزاد كيفاش تا ولي تيشك تا ولي تيطعن فيهم ها فمصيبة راه كاين امور كتار ما تنحسبوا لها البال وتتجعل سبب ف وبعض الخطرات انت متيقع ويقدروا يعينوا الولد بهكاك وين انت باك جوج في شهر 8 وانت دزتي في شهر 9 مع ان العقد الشرعي كان ها اشي الدري دروك اشي يجي في راسو ها انه هو الحرام ولا لا فلا تحب بان اهل العلم ميتي يوصلوا لواحد المرحله راه عن خبره وعن امور باش يروعوا بها المصالح ها فالمسائل المفاسد مطلوب منا من الشرع باش ندرؤوها نبعدوها ومن المفاسد الطعن في الانساب الطعن في الانساب هذا من المفاسد لانه تحطم معنويات الناس Enfin, Allah Azza wa Jalla, même s'il est permis à ce garçon d'avoir un acte avec la fille, etc., de sortir avec elle, les hommes de science disent il faut lui interdire, il ne faut pas qu'il revienne, il ne faut pas qu'il le fasse avant qu'il ait son acte civil. Des fois même, regarde, le mal qui peut découler du fait de retarder l'acte civil. Il sort avec elle, il a un acte avec elle. L'acte civil s'est fait au mois de septembre. L'enfant, il est né au mois d'octobre, après, un mois après. Il y a eu un acte, au niveau de la sunna, il n'y a pas de problème. Mais celui qui va écrire déjà, il va commencer à se poser des questions sur cet enfant. Plus tard, le père meurt, la mère meurt, et on regarde, des fois, son acte de naissance, etc., et le hala, l'état civil, etc., il faut un peu l'insulter avec ça. Et le garçon va commencer à avoir des doutes sur sa descendance. Et certains vont dénigrer la descendance de cet homme. Et ceci est un grand mal, le fait de dénigrer la descendance de quelqu'un. Hein? Tu vois, quand les hommes de science interdisent quelque chose, hein, ils n'autorisent pas certaines choses, c'est parce qu'il est demandé dans la législation le fait de repousser le mal et d'acquérir le bien. Repousse le mal. Et il est des grands mal le fait de dénigrer la descendance de quelqu'un. Hein? Et de dire de quelqu'un tu es un enfant d'adultère et de le traiter d'enfant d'adultère. Hein? Enfin, pas croire. Le frère vient de dire, mais c'est permis. Et on sait que c'est permis. Mais regarde ce qu'il va en découler. Tu n'as pas plus de science que ces hommes de science qui connaissent. Il y a l'expérience, il y a la lecture de la législation, il y a la lecture du livre d'Allah, l'authentique de la sunna, la voie des salaf, et le fait de peser le pour, le contre, et le bien là où il est, et le mal là où il est, et le fait de mettre en application les règles de la législation, qui fait partie des grandes règles de la législation, c'est de repousser le mal. Enfin, il faut être doué de raison. Hein? et ne pas être quelqu'un de buté et de voir juste le plaisir passager, voir ce qui va en découler après. كذلك سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن جلوس الخطيب مع الخطيبة فاسمع لما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يقول لو السائل خطبت امرأة وحفظتها 20 جزءا من القرآن والحمد لله في أثناء فترة الخطوبة وأجلس معها في وجود محرم وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي والحمد لله ولا تخرج جلستنا عن حديث ديني أو قراءة قرآن ووقت الجلسة قصير فهل في هذا خطأ شرعي؟ هذا تيقول الشيخ العثيمين أنا مخطوبة ديالي باقي ما عندي عليها العقد حفظت 20 جزء ديال القرآن 20 جزء يشهد 40 حزب ومني تنقعد معها تكون معنا المحرم خوها ولا باها ولا عم المهم والجلسة ديالتنا ما تخرج على الحديث ديال الدين وعلى قراءة القرآن ووقت قصير فهل هذا يجوز ولا لا؟ Écoute maintenant cette question qui est arrivée à Cheikh Al-Othaymi. Un jeune qui a demandé au mariage une fille, il a dit à Cheikh Al-Othaymi, je reste avec celle que j'ai demandée au mariage avant l'acte, bien sûr. Et j'ai appris à cette fille, je la rencontre chez elle, etc. Et je lui ai appris 20 parties du Coran, ça veut dire 40 hizb. Il ne lui reste que 20 hizb pour terminer le Coran. Et notre temps de rencontre, il est court, et en plus il y a un haram avec nous. Et notre discussion ne dépasse pas le discours religion, le Coran et le hadith du prophète, etc. فأجاب الشيخ العثيمين فلا ينبغي لأن شعور الرجل بأن جليسته مخطوبته تثير الشهوة غالبا وثوران الشهوة على غير الزوجة والمملوكة حرام وما أدى إلى حرام فهو حرام قال لي لا هضرت قاعد معها وكاين المحرم قال لي لانه باش تقعد مع هذيك الخطيبه ديالك وعرفتيها بان مخطوبتك الشهوه ديالك تتنوض و الى نط الشهوه ديالك على امراه باقي انت ممزوج بها فهذا حرام ها و داك الجلوس هو اللي دل هذاك الحرام فاش داك الجلوس حرام احنا اللي تيجي وقاعد يتفرج معاه في مالي بيه ودالاس وهذا فيلم هندي وهذا فيلم فرنساوي وهذا كيفاش يديروا كان الامر اشد خطر فان الله عز وجل شغل العثيمين قلت لا انتوندي سكي لدي هذاك لو جون اي نو اي ني با بيرمي لو ابران كوا القران سي با كوم لي زاسيز مانتنو اي سوفون دوفون دالاس ماليبو des films égyptiens à l'eau de rose et des fois vas-y je dis il n'est pas permis parce que l'homme va être excité quand il sait qu'il est assis devant une femme qui est sa fiancée ça va naître ça ses envies et ses désirs et le fait d'exciter les envies sur une femme qui n'est pas ta femme, il est haram. Et donc le fait d'être assis dans une place dans laquelle tu t'amènes vers un haram, c'est haram. Si tu es assis, il est haram. Pourtant, le jeune, qu'est-ce qu'il lui apprend? La femme, il a le hijab shara'i. Il lui apprend le Coran. La fille a pris avec lui 40 parties du Coran. Et regarde la parole de l'homme de science. Parce que le fait qu'il soit avec elle et que ça l'excite, c'est-à-dire de s'exciter sur une femme qui n'est pas ta femme, c'est haram. Et donc le fait d'être assis avec une femme qui n'est pas ta femme et que tu t'excites, c'est haram. Fa, nous allons arrêter là, Inch'Allah, jusqu'à Salat al-Mughrib. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa sallallahu alaykum jazakallahu.